activités qui aident à prendre. Non, il y en a d'autres dedans, je crois. Ah oui, vitalité, il y a des plein de choses. Allez, on va au point 1. Ouais. Bon. Allez, c'est parti. C'est à l'entrée là-bas. Allez, grande porte là-bas.